Les illuminations. La date de composition de ces poèmes en prose est au moins aussi énigmatique que les poèmes eux-mêmes. Sur les 42, j'en ai retenu 5 seulement qui me paraissaient le plus accessible au commun des mortels.